yeux cernés. Pas de nouveaux amis, j'ai le cœur fermé. Tu me connais, non j'en doute. Il me regarde, il est louche. Et si cette phrase te touche, c'est que j'y vrai, je fais mouche. Pas des mots, tu peux parler, critiquer.